S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leur langue vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants.